et engloutir une multitude innombrable d'habitants. Des hommes montèrent sur un radeau de bambou, afin de retirer de l'eau des objets précieux. Ils aperçurent une femme, qui tenait dans sa main un petit coffre, et que le flot amenait vers eux. Comme elle était sur le point d'atteindre le rivage, un d'entre eux, poussé par le désir de s'emparer du coffre, poussa cette femme avec intention et la noya. Quand il eut ouvert le coffre, il y trouva un billet d'âge, et reconnut que c'était la femme qu'il venait de demander en mariage. On voit, par les exemples qui précèdent, qu'on doit faire tous ces efforts pour sauver les hommes dont la vie est en danger. Le premier, pour avoir sauvé un homme, a obtenu un fils. Le second, pour avoir sauvé une femme, a échappé lui-même à un danger mortel. Le troisième, pour avoir restitué une somme d'argent, a eu le bonheur de voir sauver son fils. Le quatrième, en sauvant un homme, a sauvé son propre fils. Le dernier, pour n'avoir pas voulu sauver une personne qui se noyait, est devenu le meurtrier de sa propre femme. La Providence céleste sait discerner les hommes vertueux et les coupables, et leur envoie promptement la récompense ou le châtiment qu'ils ont mérité. Réjouissez-vous des succès des autres, et affligez-vous de leurs revers, comme si vous vous trouviez à leur place. Commentaire. Le mot T, 4, signifie obtenir. Par exemple, obtenir un succès complet, lorsqu'on cherche à acquérir du mérite et de la réputation, obtenir du profit dans le commerce, obtenir la réussite de ses projets, obtenir la sécurité, lorsqu'on était exposé à un danger imminent, etc. Quand nous voyons un autre homme obtenir ce qu'il désirait, nous devons nous en réjouir pour lui. Le mot chi, 12, signifie perdre, éprouver une perte, un dommage. Par exemple, échouer, littéralement, perdre ses espérances en cherchant à acquérir du mérite et de la réputation, perdre le profit qu'on attendait de son commerce, tomber dans un malheur, être volé par des brigands, recevoir des blessures, oublier ou perdre son argent. Quand nous voyons les autres hommes éprouver une perte ou du dommage, nous devons en être affligés comme si nous étions nous-mêmes à leur place. De cette manière, nous conserverons pour les autres ces sentiments d'équité et de bienveillance que nous demandons pour nous-mêmes. Histoire sous la dynastie des Ming, un homme nommé Lolin, se rendant à la capitale pour obtenir le grade de docteur, descendit dans une hôtellerie de la province de Shantung et y passa la nuit. Son domestique ramassa, dans l'hôtellerie, un bracelet d'or, et le cacha soigneusement sans en parler à son maître. Après qu'ils eurent marché pendant plusieurs jours, l'un dit à son domestique : « Il nous reste encore un long voyage pour arriver à la capitale, et nos provisions seront insuffisantes. Comment faire ? Tirekedratin, ne vous inquiétez pas, répondit le domestique. À ces mots, il tira le bracelet d'or et lui expliqua d'où il venait. L'un entra dans une grande colère et voulut sur le champ aller reporter lui-même le bracelet. Si vous retournez sur vos pas, reprit le domestique, il est à craindre que vous ne manquiez le concours. Cet objet, dit l'un, a sans doute été perdu par la négligence de quelques servantes. On ne manquera pas de lui donner la question pour savoir ce qu'il est devenu. Et si elle est condamnée à mort, à qui en sera la faute? J'aime mieux ne pas arriver à temps au concours que d'être cause qu'une personne meure avant l'époque marquée par le destin. Aussitôt il revint à l'hôtellerie. Il apprit alors qu'une servante, ayant jeté un bassin plein d'eau, avait jeté en même temps le bracelet d'or qui était tombé. La maîtresse avait frappé la domestique jusqu'au sang, et celle-ci voulait se donner la mort. Le mari ne cessait d'accabler sa femme de reproches et d'injures, et cette femme, poussée par la colère et le désespoir, était sur le point de se pendre. Toute la maison retentissait de bruit et de vacarme. Lolin étant entré, tira de sa poche le bracelet et le rendit. De cette manière il sauva la vie à deux personnes. Il partit, et retourna de nouveau à la capitale, où il arriva le quatrième jour du second mois. Il se hâta de présenter sa composition au juge du concours, et obtint le premier rang sur la liste des docteurs. Les hommes d'aujourd'hui éprouvent un sentiment d'envie en voyant les succès des autres, et ils sont transportés de joie en les voyant essuyer une perte ou un revers. C'est ce qu'on appelle être jaloux de voir les autres s'enrichir, et craindre de tomber soi-même dans la misère, porter envie au vainqueur et se réjouir du malheur de celui qui est vaincu. Est-il possible que les hommes égoïstes et inhumains n'éprouvent pas de grands malheurs en punition de leur conduite? Ne divulguez pas les imperfections des autres. Commentaire. Le mot Chang, 2, veut dire publier une chose pour en donner connaissance aux autres hommes. Toutes les fautes ou erreurs que commettent les hommes s'appellent Tuan, 4. Il n'y a personne qui en soit exempt. Par exemple, l'un se trompe par hasard dans un calcul, un autre est pressé par des circonstances impérieuses, et commet une erreur qui fait échouer son projet. Nous devons alors cacher et déguiser leurs fautes, présenter leur conduite sous un jour favorable, et éviter soigneusement de révéler ce qui pourrait nuire à leur réputation. C'est là ce qu'on appelle conserver dans son cœur de la droiture et de la générosité. Autrefois, lorsque Han Wenkong remarquait des incorrections dans une composition littéraire, il la mettait lui-même sous enveloppe et la cachetait, de peur que d'autres ne les aperçussent. Wen Qingming n'aimait pas à entendre parler des défauts des autres. Si quelqu'un abordait ce sujet en sa présence, il se mettait à parler d'autre chose. Liu Chongpu, de la ville de Maqing, se trouvant auprès de sa femme la première nuit de ses noces, entendit un voleur qui entrait dans sa maison. Chongpu se leva et reconnut que le voleur était un homme de ses amis. Quoi, c'est vous? Lui dit-il. Je pense que c'est la pauvreté et le besoin qui vous ont poussé à commettre cette mauvaise action. Il prit alors des ornements de tête appartenant à sa femme, et les lui donna en disant « Dès ce moment, changez de conduite, et pratiquez le bien. Je vous promets de ne jamais dire que c'est vous. » Comme sa femme lui demandait continuellement quel était le voleur, il répondait « Je lui ai promis de ne jamais révéler son nom. » Dans la suite, son fils, nommé Sui, fut élevé à la dignité de prince. Ses petits-fils et ses arrière-petits-fils obtinrent tous leurs degrés littéraires. Les hommes dont nous venons de parler n'ont point révélé les fautes et les erreurs des autres. Remarque. Ce qui nous prive le plus souvent des bénédictions secrètes du ciel, c'est de divulguer les choses qui se passent dans l'appartement des femmes. Ne vous vantez pas de votre supériorité. Commentaire. Le mot Yuan, 2, veut dire ici, se prévaloir de ses talents et de sa capacité, et s'en glorifier. Le mot Chang, 4, signifie, des avantages, une supériorité, qui nous place au-dessus des autres hommes. Si nous avons quelque supériorité, les autres la perçoivent d'eux-mêmes. Tout ce que nous devons faire est d'être humbles et modestes. Si nous nous prévalons de nos talents pour mépriser les autres, nous perdons, dès ce moment, notre supériorité. Histoire. À l'âge de 7 ans, Lippi excellait dans la littérature. Il avait coutume de célébrer envers sa supériorité, et laisser percer dans ses chansons ses vues ambitieuses. Chang Kyu-lim lui fit des remontrances et lui dit « Vous avez obtenu de bonne heure une réputation brillante, mais prenez garde d'éprouver un échec. Je vous conseille de chercher plutôt à cacher vos talents. Les vers peuvent servir par hasard à célébrer les agréments d'un site champêtre, mais il n'y a pas là de quoi se glorifier. » Lippi fut touché de ce conseil, et dès ce moment il cessa de se vanter. Dans la suite, il devint un ministre célèbre. Un homme de Fukéou, nommé Tianzi, apparut en songe à sa femme, un an après sa mort, et lui dit « Ayant obtenu le grade de docteur, dans ma vie passée, je me vantais de mes talents, et, en toute occasion, je rabaissais les sages de l'Antiquité, et les hommes de mon siècle qui avaient acquis de la réputation. J'aimais à rechercher leurs défauts et à les critiquer, pour exercer à leurs dépens mon pinceau et ma langue. Mon unique but était de satisfaire un caprice d'un moment. J'ignorais le sort qui m'attendait dans l'autre monde. Depuis que j'ai quitté la terre, le dieu de l'enfer a ordonné à deux serpents et à trois scolopendres d'entrer et de sortir continuellement par les neuf ouvertures de mon corps. Je ne pourrais vous exprimer mes douleurs et mes tourments. Au bout de 360 jours, je dois passer dans le corps d'une femme. Aujourd'hui, que le temps de mon châtiment est expiré, je suis venu exprès pour vous donner cet avis. Sur le champ il partit, et alla prendre possession de sa nouvelle existence. C'est ainsi qu'il fut puni pour s'être vanté de sa supériorité. Arrêtez le mal, et exaltez le bien. Commentaire. Le mot Kao 1 veut dire arrêter une chose, y mettre obstacle. Le mot Yang 3 signifie louer, exalter. Quand un homme est sur le point de faire le mal, nous devons l'arrêter, le retenir, lui adresser des remontrances, afin que sa mauvaise action ne s'accomplisse pas, et pour préserver les autres hommes des maux qui peuvent en résulter. Quand un homme a de bonnes qualités, nous devons les louer et les exalter en public, afin que la bonté de son cœur se fortifie encore davantage, et qu'à son exemple les hommes s'excitent mutuellement à faire le bien. Histoire. Autrefois, Chang Tsien ayant un jour donné un repas dans sa maison, un esclave déroba plusieurs pièces d'argenterie. Tsien, se trouvant derrière un treillis de bambou, le vit distinctement, et se garda de le dénoncer. Dans la suite, il parvint au rang de ministre. Les hommes qui étaient attachés à son service obtinrent tous des places, et il n'y eut que l'esclave qui resta sans emploi. « Il y a bien longtemps, dit l'esclave, que je sers votre excellence. D'où vient la disgrâce que j'éprouve ? Tirekedratin, te souviens-tu ? Lui répondit Zien, de m'avoir volé autrefois plusieurs pièces d'argenterie. J'ai renfermé cette affaire dans mon sein pendant 20 ans, et je n'en ai rien dit à personne. Maintenant que je suis ministre, je dois arrêter le mal et exalter le bien. Comment pourrais-je appuyer de ma recommandation et de mon crédit un homme qui a commis un vol? Par pitié pour toi et en considération de ce que tu m'as servi pendant longtemps, je le donne 300 mas, 30. 0,0011 d'argent. Prends-les, et va-t'en ailleurs. L'esclave fut frappé d'effroi et versa des larmes abondantes. Il se prosterna aux pieds de Chang, le remercia et partit. En examinant la manière dont Chang traita son esclave, on voit que, dans l'exercice de ses fonctions administratives, il arrêtait le mal et exaltait le bien. Zhang Yu, qui vivait sous la dynastie des Song, était sorti de sa maison le matin du premier jour de l'année, à une époque où il n'avait pas encore obtenu ses degrés littéraires. Il rencontra une troupe de démons, et leur demanda qui ils étaient. « Nous sommes, répondirent-ils, les démons de la peste. Au commencement de l'année, nous répandons la peste dans les maisons. L'avez-vous répandu dans ma maison ? Reprit Yu. Non, répondirent les démons. Comment, dit Yu, a-t-elle pu échapper à la contagion ? Tirekedratin dans votre maison, répondirent les démons, depuis 3 générations, on cache le mal et on publie le bien que font les autres. En récompense de cette conduite, vos fils et vos petits-fils seront comblés d'honneur et de distinction. Comment aurions-nous osé entrer dans cette maison ? Après avoir achevé ces mots, ils disparurent. Voilà un second exemple de la récompense que l'on obtient lorsqu'on arrête les mauvaises actions et qu'on exalte les bonnes actions des autres hommes. Cédez beaucoup, et prenez peu pour vous-même. Commentaire. Le mot tui un veut dire céder avec modestie. Toutes les fois que les hommes paient une dette, ou partagent un patrimoine, il y en a beaucoup qui se laissent guider par l'amour du gain. Les uns s'entendent ensemble pour s'emparer ouvertement de ce qui ne leur appartient pas, les autres trompent en secret. Ils veulent absolument avoir plus qu'il ne faut. Ils ignorent que ce qui est contraire à la justice et à l'équité, allume la colère des hommes et des dieux, et que, pour l'ordinaire, ce que l'on a dérobé en plein jour, diminue secrètement. Nous perdons bientôt le surplus que nous avions obtenu injustement. Il vaut mieux céder un peu trop aux autres, car, en perdant une portion de ce qui nous revenait, nous conservons notre droiture et notre probité, et les hommes, touchés de notre exemple, se sentent portés à nous imiter. En général, celui qui a éprouvé quelques détriments, regagne bientôt les avantages dont il avait été privé, et il ne reste pas longtemps avec le faible lot qui lui était échu. Histoire dans son enfance, Chang Sesion vivait chez son oncle, qui avait 7 enfants. Avant de partager le patrimoine qui provenait de son aïeul, l'oncle lui dit « Nous allons vivre séparément, je ferai 2 parts de l'héritage. » « Je ne le souffrirai pas, » répondit Xuan. Je désire que mes cousins en obtiennent chacun 1 part. » L'oncle ne voulut point y consentir, mais comme Xuan voulait absolument qu'on partageât les biens en 8 lots, il finit par céder à ses instances. À cette époque, Xuan, qui avait atteint l'âge de 17 ans, se rendit à la capitale pour subir ses examens. Un physionomiste s'écria à sa vue. Je lis sur toute sa figure des signes qui annoncent une vertu cachée. J'ai la certitude qu'il réussira dans le concours. Cette prédiction se réalisa. C'est ainsi que sont récompensés ceux qui, en partageant un héritage avec leurs parents, laissent beaucoup aux autres et prennent peu de choses pour eux-mêmes. Quand nos amis nous paient une dette, nous devons songer que la répartition de l'argent et des richesses est réglée d'avance par le destin, et par conséquent ne recevoir d'eux que ce qui nous est dû d'après les règles de la plus stricte équité. Ne vous irritez point quand vous avez reçu un affront. Commentaire. L'expression chez Ujo se dit des personnes qui sont en butte à la calomnie, aux injures, aux affronts des autres hommes. Les mots Puyuan signifient « ne point concevoir de la colère ou de l'indignation ». En général, il y a peu d'hommes qui puissent contenir leur colère et leur indignation lorsqu'ils ont reçu un affront. Ils ignorent qu'un moment de colère fait souvent naître des querelles et des combats acharnés. Il faut alors se tâter le cœur. Si nous avons agi contre la raison, il est juste que nous éprouvions des affronts de la part des autres. Nous n'avons pas le droit de nous irriter contre eux. Si nous pouvons alors maîtriser notre colère, la haine et l'inimitié des autres s'évanouira sur le champ. Mais si nous avons agi suivant la raison, et que les autres nous insultent sans motif, nous devons les regarder comme des insensés, avec lesquels il est inutile de disputer. Si nous pouvons contenir notre colère, les autres hommes auront de leur conduite et se corrigeront. D'un côté, nous montrerons une grandeur d'âme qui nous fait supporter patiemment les fautes de nos semblables. De l'autre, nous nous épargnerons les émotions de la colère, et nous nous préserverons des malheurs qu'elle entraîne après elle. C'est pourquoi les bouddhistes, dans leurs instructions, placent la patience à supporter les injures au-dessus de toutes les vertus, et la représentent comme le premier et le plus sûr moyen d'arriver à la perfection. Histoire. Sous la dynastie des Song, vivait un homme nommé Fupi. Lorsqu'il était encore jeune, un homme lui ayant adressé une injure grossière, il fit semblant de ne pas s'en apercevoir. « C'est vous qu'on insulte », lui dit une des personnes qui se trouvait à ses côtés. « Je crois, » répondit Fupi, « que cette injure s'adresse à un autre. » « Vous êtes dans l'erreur, » reprit son voisin. « Il a prononcé clairement votre nom en vous adressant cette injure. » « N'y a-t-il pas dans le monde, » répondit Fupi, « une foule de personnes qui portent le même nom de famille et le même surnom ?» Celui qui avait injurié Fupi, ayant entendu cette réponse, rougit lui-même de sa conduite et lui fit ses excuses. Lorsque Lien Mengqing était ministre d'État, un simple lettré le montra au doigt et le tourna en ridicule. Les collègues de Qing ayant voulu demander son nom, il s'y opposa en disant « Si je venais à savoir son nom, peut-être ne pourrais-je point l'oublier, il vaut mieux que je l'ignore. » Les deux hommes que nous venons de citer montrèrent une rare magnanimité, et ils obtinrent un bonheur proportionné à leur vertu. Un homme de Linqiang, nommé Hu Pichéou, jouait un jour aux échecs avec un étranger. Un individu l'interpella d'un ton grossier et l'accusa de tromper au jeu. « Attendez un peu, » lui dit Hupi. À ces mots, le même homme renversa le damier et l'accabla d'injures. L'étranger ne put contenir son indignation. « Il paraît, » dit Hupi, d'une voix calme, « que vous voudriez me voir perdre tous mes points. » Cela est vrai, lui dit cet homme. À ces mots, Hupi prit le livret sur lequel il avait marqué les points qu'il avait gagnés et les effaça. Ce n'est pas tout. Il lui donna, avant qu'il partît, un boisseau de riz. Le lendemain, il apprit qu'il était mort subitement. Cet homme était venu avec une intention coupable, mais il s'en retourna sans avoir pu trouver le moyen de la mettre à exécution. Dans la suite, Hupi fut élevé à une magistrature de seconde classe. Un homme de Changcheou, nommé Yu Ong, avait ouvert une maison de prêt sur gage. À la fin de l'année, un homme vint, sans argent, réclamer les objets qu'il avait mis en gage. Le chef du bureau les lui ayant refusés, cet homme entra en colère et l'accabla d'injures. « Je connais vos intentions, » lui dit doucement Yu Ong. « C'est uniquement pour passer les fêtes du nouvel an que vous réclamez vos effets. C'est une bagatelle. À quoi bon cette querelle et ces injures ?» À ces mots, il fit chercher les effets mis en gage. C'était des habits et des couvertures, au nombre de 4 ou 5. Yu Ong, lui montrant un habit ouaté, lui dit « Ceci vous est nécessaire pour vous garantir du froid. Vous ne pouvez vous en passer. Prenez-le. » Il lui montra encore un manteau de cérémonie, et lui dit, « Je vous donne encore ceci pour faire vos visites du nouvel an. » Quant aux autres effets, qui ne vous sont pas absolument nécessaires, je les garde pour le moment. Cet homme resta interdit et s'en alla. Il mourut subitement la nuit suivante. Si cette affaire fût arrivée à un autre caillou ONG, elle aurait suscité un procès qui eût pu durer un an. L'homme dont nous venons de parler était chargé de dettes, et, comme il savait que ONG était facile à tromper, il était venu à son bureau avec de coupables intentions. Mais il ne put trouver moyen de les exécuter, et, presque aussitôt, le malheur se détourna de ONG et vint l'accabler lui-même. ONG dit à cette occasion, aux personnes qui l'entouraient, « Lorsque vous éprouverez une injustice, songez toujours qu'il y a sans doute quelque chose qui lui sert de prétexte. Mais si vous vous abandonnez alors à la plus légère impatience, vous tomberez aussitôt dans le malheur. Il est facile de voir, par ce qui précède, que ceux qui éprouvent des affronts peuvent éviter, en n'y faisant pas attention, les malheurs que la colère entraîne après elle. À quoi bon s'irriter contre les entre-hommes? Recevez-vous les faveurs des princes avec un sentiment de crainte. Commentaire. L'expression Shi Huchong signifie en général recevoir du souverain des richesses, des honneurs, des distinctions brillantes. Les mots Juking, littéralement, comme effrayé, signifie que nous devons éprouver une crainte intérieure, et nous figurer que nous sommes indignes de ces faveurs. Lorsque les hommes reçoivent des richesses, des honneurs, ou des distinctions brillantes, c'est que ce bonheur était dans leur destinée. S'ils savent réprimer leur vanité naturelle, se tenir dans les bornes de la modestie, et bannir toute espèce d'orgueil, ils pourront jouir pendant toute leur vie des honneurs dont le souverain les a comblés. Histoire. Wang Tan, qui vivait sous les Song, montait en dignité à mesure qu'il avançait en âge. Toutes les fois que quelqu'un l'en félicitait, il l'arrêtait en disant « Le malheur l'a voulu, c'est pour moi une source de nouveaux chagrins. À quoi bon m'en féliciter ?» Quand il fut nommé ambassadeur de l'empereur, il sortit du palais, monté sur un char. Tous les fonctionnaires publics l'accompagnèrent jusqu'aux portes de la ville et lui offrirent un repas splendide. Il n'y avait personne qui ne parlât avec admiration de la haute faveur qu'il venait de recevoir. « Pour moi, dit-il, je n'éprouve que de l'inquiétude et du tourment. » Toutes les fois qu'on lui apportait ses appointements, s'il voyait des domestiques devant le vestibule, il s'écriait en soupirant. C'est la graisse et le sang du peuple. Qu'ai-je besoin d'un si grand revenu? C'est ainsi que Wang Tan recevait les faveurs du souverain avec un sentiment de crainte. Aussi put-il jouir toute sa vie de la gloire qui y était attachée.